par milliers. Et rien à foutre, c'est le réveillon. Quelle sensation quand c'est des cotillons. Fermez vos porte-monnaie. Champagne quadrant.